Les Odyssées de France Inter avec Pronote. Toute la vie scolaire en une seule appli. Pour les profs, les élèves et aussi leurs familles. Peu de personnages historiques peuvent se vanter d'avoir un nom qui rime avec cornichon. Ou saucisson. Voyons voir. Il y a l'empereur romain Néron et puis, oui, le grand orateur Cicéron et... Oh, mais oui, bien sûr. Où avais-je la tête ? Napoléon ! Sur son cheval blanc, Napoléon galope à toute allure. Il regarde droit devant, il rugit, il bondit, il surgit dans l'histoire. Il a connu la Révolution. Vive la liberté ! Il a mis l'Europe à genoux, comme un tourbillon, il a transformé la France. Général, premier consul, empereur. 4 à 4, Napoléon a gravi les marches du pouvoir. Mais attention, tout le monde peut glisser sur une peau de banane. Et tu sais bien ce qu'on dit. Plus haut on s'élève, plus la chute, ouille, risque de faire mal aux fesses. Napoléon. Certains t'adulent, d'autres te détestent. Tu es l'ombre et la lumière. Tu fascines autant que tu irrites. Mais pourquoi? Qui es-tu, vieille canaille? Un grand guerrier? Un génie? Un tyran? Parle, livre-nous tous tes secrets. Hélas, où qu'il soit aujourd'hui, le bougre ne peut plus nous répondre. Eh bien, soit, nous allons nous débrouiller sans lui. Napoléon voulait dévorer le monde. Il a touché l'or, il a mordu la poussière. Et surtout, il nous livre sur un plateau une belle tranche de l'histoire de France. Alors, qu'en dis-tu? On s'assoit? On le croque, ce gros dindon? Napoléon, quand il naît, il s'appelle Napoléone Bonaparte. Il voit le jour le 15 août 1769, au cœur de l'été, sur une île splendide, un trésor. Cette île, c'est la Corse. Comme un bel olivier, le petit grandit chauffé par le soleil. Sa famille, sans être pauvre, ne roule pas sur l'or. Qu'importe, Napoléon est heureux. Son île, il l'aime d'amour. Un jour, hélas, son père décide de l'envoyer étudier sur le continent. Nous sommes en 1778, Napoléon est à 9 ans et demi. Dans le voilier qu'il emporte vers la France, il hurle son désespoir entre deux rafales de vent. Adieu, torrents glacés! Adieu, montagnes! Adieu, mon ami! Bientôt, je reviendrai! Bon, évidemment, personne ne sait s'il a véritablement bêlé à ce moment-là. Passons. Napoléon est un enfant énergique, bagarreur. Son père veut en faire un soldat. Il apprendra le maniement des armes. Son petit sac sur le dos, il entre au collège royal de Brienne, dans le nord-est de la France. Pétard, mes aïeux, quel choc! D'abord, il fait un froid de canard. Arrivant de Corse, disons plutôt un froid de 1000 canards. Et puis, les autres élèves ne sont pas gentils. Ils se moquent de son accent. Le petit serre les dents. Une, deux, trois années passent. Il apprend à résister au froid, au mépris, à la dureté de la vie. Dans l'adversité, Napoléon se dépasse. Il travaille de longues heures, il dort peu, il passe son temps à lire. À toute vitesse, il fait fonctionner ses méninges. Et puis, il se distingue de façon un peu inattendue. Au cours de l'hiver 1780 ou 1781, on n'est pas sûr, le jeune enfant prend le commandement d'une belle bataille de boules de neige. Le ciel, cet après-midi-là, ressemble à de la purée de pois. Dans la cour du collège, les deux camps qui s'affrontent pédalent dans la choucroute. Personne n'arrive à prendre le dessus. En un clin d'œil, Napoléon analyse la situation et, proposant son aide au camp le plus en difficulté, il lui apporte la victoire en deux coups de cuillère à peau. Bravo, petit Napo! Bien joué! Tu l'auras compris, quelles que soient les circonstances, notre jeune Corse ne ménage pas ses efforts. Et ça paye! En 1784, il intègre la très prestigieuse École militaire de Paris. Il en sort un an plus tard avec le grade de sous-lieutenant. Ce qui n'est pas si mal, mais oh, un peu décevant quand on connaît tous ses talents. En novembre 1785, alors que les dernières châtaignes tombent des arbres, en provoquant parfois de petits accidents... Aïe, aïe, aïe, aïe, Oh, ça va, on va pas en faire tout un figatelou. Il rejoint la ville de Valence, en Provence, où est posté son nouveau régiment. Napoléon a 16 ans, il est désormais officier de Sa Majesté, le roi... Oui, c'est exact, le roi Louis XVI. Valence, rien à dire, c'est très joli, mais... Ah, la vie de sous-lieutenant, la barbe, qu'est-ce que c'est ennuyeux. Patience, petit Napo, patience. Écoute, tu entends? C'est le destin, la fortune. Prépare-toi, ils sont en chemin, ils arrivent. En 1789, le peuple prend la Bastille, c'est la révolution. Partout dans le royaume, on se soulève et on gronde. À bas la monarchie, à bas les privilèges de la noblesse. Vive l'égalité, vive la liberté. Napoléon aime bien ces nouvelles idées, particulièrement l'égalité. Pourquoi les marquis et les comtes auraient-ils des droits que les autres n'ont pas? Pourquoi la vie des hommes devrait-elle être déterminée par leur origine plutôt que par leur mérite ou leur talent? En quelques années, la révolution balaye tout sur son passage, l'ordre est renversé. Le 21 septembre 1792, les députés votent la fin de la monarchie. Vive la République! Et puis, le ciel vire au sombre. Après avoir guillotiné le roi, les révolutionnaires se zigouillent entre eux. Sur tous les visages, on lit la rage et la fureur. La guillotine, tac tac, fonctionne sans s'arrêter. Le pays est plongé dans la terreur. De tous les côtés, il est attaqué. À l'intérieur, les royalistes complotent. Ils veulent le retour de la monarchie. À l'extérieur, par-delà les Alpes et de l'autre côté de la Manche, les rois tremblent pour leur couronne. L'Angleterre, l'Autriche et la Prusse déclarent la guerre à la France. La révolution est en péril. Elle a besoin d'une épée pour se défendre. En décembre 1793, à Toulon, ça sent le riz cuit. Ah non, le roussi. Avec l'aide des royalistes, les Anglais ont réussi à faire entrer leur navire dans le port. Ils s'apprêtent à prendre le contrôle de la ville. L'armée révolutionnaire est en très mauvaise posture. Parmi les soldats, oh, tiens, tiens, il y a Napoléon, le jeune officier. Coup de bol, a une super idée. Il faut installer les canons à l'entrée du port et canarder l'ennemi sans s'arrêter. On va voir combien de temps ils vont tenir, les British. La bataille dure 5 jours. Enfin, les Anglais décident de lever l'ancre. Victoire, la ville est libérée. Le jeune officier a réussi son coup. À 24 ans, il est promu général. Évidemment, il ne compte pas en rester là. À Paris, où il vit désormais, il empêche un groupe de royalistes de faire du grabuge. Aux yeux du peuple, bingo! Il devient un héros de la Révolution. Le général est ravi et puis... il ne perd pas le Nord. Servir la République. Ah, mais ça peut sans doute me profiter. Bonaparte l'a compris. La Révolution, telle une puissante vague, va pouvoir l'emporter loin, le pousser haut, très haut! Très, très, très haut! Depuis quelques mois, la situation à l'intérieur du pays s'est un peu apaisée. On a rangé la guillotine. 5 directeurs sont désormais à la tête de l'État. Ils se partagent le pouvoir. Napoléon, de son côté, reçoit en plein cœur... la flèche de l'amour! La belle s'appelle Joséphine de Beauharnais. Le jeune homme en est fou! Sans attendre, il l'épouse. Mais attention, à l'extérieur, les ennemis de la France n'ont pas fini de gronder. Vite, Bonaparte repart au combat. Ma parole, ce qu'il est fougueux, c'est un chien fou. Non, je n'ai pas dit un chien loup, j'ai dit un chien fou. Voilà, c'est mieux. Nous sommes en 1796, les Autrichiens attendent les Français en Italie, ils veulent leur mettre la pâtée. Ah oui? Vraiment? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Bonaparte a pris du galon. Les directeurs lui ont confié le commandement d'une véritable armée. Enfin bon, faut voir l'état de ses troupes. Les soldats sont épuisés, ils ont faim, ils manquent de doudounes et de chaussures de ski. Oh, pardon, excuse-moi, je me suis trompée d'Odyssée. Reprenons. Ils sont mal équipés, ils manquent de canons, de baïonnettes et de poudre. Napoléon est rouge comme un piment d'Espelette. Ok, sympa, merci les directeurs. Bon sang de bonsoir, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça, moi? Heureusement, le général a plus d'un tour dans son sac. Napoléon passe 18 mois en Italie, il livre 18 batailles et il remporte 18 victoires. La vache! Si j'étais lui, je miserais tout sur le 18 la prochaine fois que je joue au casino. Mais là n'est pas la question. Bonaparte signe la paix et il rentre en France, auréolé de gloire. Quelque chose en lui a changé. Est-ce sa coiffure? Est-ce sa nouvelle culotte de cuir? Non, c'est à l'intérieur. Napoléon a eu une révélation. Il aime la guerre, la conquête et le commandement. Il croit être fait pour diriger les hommes. Il pense que son destin est de sauver la France. De retour à Paris, après une expédition en Égypte qui ne s'est pas tout à fait passée comme prévu, Bonaparte voit le pouvoir des cinq directeurs très affaibli. Le pays est sans dessus-dessous et il compte bien en profiter. Il décide de prendre le pouvoir. Il organise un coup d'État. Pour réussir un coup d'État, il faut bien comploter. Napoléon a des complices, parmi lesquels trois des cinq directeurs. Le 9 novembre 1799, ces derniers démissionnent. Le lendemain, Bonaparte se présente devant les députés pour leur expliquer son projet. Mais il est nerveux, il a les mains moites, il bafouille, il crie, il menace. Les députés le huent. Non, Napoléon ! Qu'à cela ne tienne, il fait venir ses soldats. Ce qu'il n'a pu obtenir par les mots, il l'obtient. Par la force. Très tard cette nuit-là, on vote la naissance d'un nouveau régime, le consulat. Napoléon est nommé premier consul. Il a réussi, il dirige désormais la Belgique. Mais non, la France. Le premier consul met toute son énergie à réformer le pays. Il veut tout changer, tout transformer. Il crée la Banque de France, les lycées, le baccalauréat. Il fait rédiger un ensemble de lois utilisées encore aujourd'hui, le Code civil. Mais il prend aussi de très mauvaises et très graves décisions. Le 20 mai 1802, il rétablit l'esclavage, aboli par les révolutionnaires 8 ans plus tôt. Napoléon trouve que le pouvoir a un goût délicieux. Lorsqu'il se regarde dans le miroir le matin, il a l'impression de voir un magnifique dieu. Il se transforme en tyran. Petit à petit, il confisque la liberté. Il interdit de nombreux livres et près de 60 journaux. Puis, il se débrouille pour devenir consul à vie. Ce n'est toujours pas suffisant. Il veut devenir empereur. Durant l'été 1804, on demande aux Français de voter pour savoir s'ils sont d'accord. Tiens, tiens, comme c'est étrange, ils répondent pratiquement tous que oui. Le 2 décembre, Napoléon Ier se couronne lui-même dans la cathédrale Notre-Dame, à Paris. Il porte un manteau de fourrure, rouge et blanc, un peu de tape à l'œil, et sur la tête, une tresse de laurier d'or, comme les empereurs romains. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Pour avoir l'air menaçant, il plisse un peu les yeux. Mamma mia! On dirait bien qu'il nous a grillé une cartouche! Que va-t-il arriver à la France? Les Odyssées est un podcast original de France Inter. Le coup d'État organisé par Napoléon est aussi connu sous le nom de coup d'État du 18 Brumaire. Pendant la Révolution, beaucoup de choses ont changé, y compris le calendrier. Le 18 Brumaire est le jour correspondant à notre 9 novembre.